sympa, c'est que cette vie m'a frustré. J'ai quelques idées malsaines, trop faciles à illustrer. De l'indécence en masse, des lunes un peu trop longues. Une étincelle après avoir imbibé d'essence. Ce mot encore un soupçon de colère, catalyseur qui l'a compris. Explosera, polluera ton air avec un goût de dépris. J'ai pas le cerveau en place, ni les yeux en face des trous. Et franchement, tu devrais goûter un peu de ma tristesse. Un vol des tours, j'en ai assez pour deux, pour trois. Fourmi, y'a plus assez de connexion pour les pensées qui fourmillent. Tu l'as voulu ta claque, tu l'auras verbalement. Désespoir me va si bien, tu sais que je l'aime tellement. Ça va mal se terminer, heureusement on est tous prévenus. Mais pour certains ça arrivera plus vite que prévu. On écrase les larves, on égorge les moutons. Et s'ils deviennent des lions, on les tue pas, on les transforme en dragons. Sur l'autoroute de la vie à la mort, y'a qu'un péage. Peu importe si t'arrives à 10 ou à 200 kph. C'est dark et c'est trash, encaisse les coups, crash tout. Sinon t'as le choix, tu peux t'écraser ou frapper cash. Ça peut être long si t'attends le déclic. Ça peut être long si tu finis ta vie devant des séries télé comme Navarro ou Derrick. Et si ça me fait marrer, c'est peut-être parce que c'est triste. Appelle-moi Chex, pas Chex. T'y arrives pas, appelle-moi Cédric. Tout court, donc on va pas trop vite, jouer le parcours. Serrer sont les virages, pas la peine de foncer dans le carrefour. Une once, ni un iota, douceur, durer le discours. Absente son iris lourd, t'as vu, j'parle comme Yoda. Entre temps, ça oscille en 3 c'est zone aride. Et puis mes sons deviennent des bombes qui deviennent des ondes à risque. La vie c'est un peu con, on chopera tous des rides. À part moi, si je me pends, si je me tranche la carotide. J'apparais dans l'ombre ou derrière, souvent sans barrière. Si je les brise, sa mère, c'est que j'ai trouvé le temps long. Toujours à l'aise en vodka, cousin, y'a plus d'amertume. L'air de rien, j'arrive, je viens de salir ma salive. J'pars en croisade contre le bien, faut que je secoue le monde. Marrant, j'suis parti corps à la rage, sans route, secours sombre. Effarant, j't'inonde de mal-être et ma route rétrécit à vue d'œil. Tout va bien, mec, j'ai mes calmants. Complètement baisé mentalement. Les gens m'ont tellement déçu que je les hais cordialement. Prêt pour un deuil vite fait, viens faire un dernier feat, frère. Sans remords, comme Féron, le saut de la mort pour kiffer. Le cerveau explosé pour quicher. C'est gore mais tu sais qui je suis. Et Six, tu sais très bien qui c'est. Un mec lesté de